sont pas dans cette cour, me revoilà. Sans un seul mot et sans un bruit, dans cette prison, je tourne en rond. Plus rien à faire ou à défaire, je pense à toi, je te revois. Tu me souris de temps en temps, oui, toi la fille que j'aimais tant. Ils ont brisé ma vie, ils ont arrêté le temps, ils ont fait couler ton sang. Je viens de faire les 100 pas dans cette cellule, me revoilà. Je n'ai pas été jugé à tort, je les ai tués sans aucun remords. Ils ont brisé ma vie, ils ont arrêté le temps, ils ont fait couler, oh. Ils ont brisé ma vie, ils ont arrêté le temps, ils ont fait couler. Ils ont arrêté le temps, ils ont fait couler.